Alors après cet intermède publicitaire, vous êtes de retour à Futur Simple, toujours sur les ondes de CKRL 89,1. Et nous allons poursuivre l'émission en nous plongeant dans l'univers des insectes, ces bibites à six pattes qu'on a tendance à ne pas aimer et même parfois à écraser dédaigneusement du bout des doigts. Et pourtant, c'est tout un certain univers tout à fait fascinant. Et pour nous en parler, je vais faire appel à un passionné. Qui vient d'écrire un livre justement intitulé « Le monde fascinant des insectes », un livre tout juste paru aux éditions Multimonde. Et ce passionné, c'est Jean-Pierre Bourassa. Et il est au bout du fil avec nous. Bonjour, Monsieur Bourassa. Bonjour, madame. Alors, je vous demanderai dans un premier temps de vous présenter pour que les auditeurs sachent qui est l'auteur de ce livre. Alors, je suis biologiste de formation. J'ai fait la carrière à l'Université du Québec à Trois-Rivières depuis ses tout débuts en 1969. pour y établir un domaine de recherche bien particulier sur les insectes, notamment les insectes piqueurs. Et puis, nous avons formé, évidemment, dans ce domaine, beaucoup d'étudiants qui œuvrent actuellement un peu partout dans le monde, dans le domaine du contrôle biologique des insectes, mais ceux qui vont causer problème à l'agriculture, par exemple, à la santé, etc. Donc, vous êtes passionné d'insectes, mais aussi spécialiste des insectes. Oui, tout à fait. Puis je pense que vous avez été aussi le premier directeur de l'insectarium à Montréal. Et oui, j'ai été en 1989-90, j'ai été dégagé par mon université pour passer en fait à la direction de l'insectarium de Montréal. Un souvenir, une expérience absolument extraordinaire. Mm-hmm. Et peut-être que dans le cadre de vos activités de recherche scientifique sur les insectes, vous avez écrit d'autres livres sur les insectes, mais c'était des livres plus ciblés. Je pense notamment à un livre sur le virus du Nil occidental. Donc c'était quand même des livres plus ciblés, n'est-ce pas, par rapport à celui que vous venez d'écrire là. Oui, tout à fait. C'était beaucoup plus ciblé. Maintenant, celui que j'ai écrit, c'est un livre évidemment que je rêvais d'écrire puisque dans mon domaine, nous observons, souvent nous découvrons en fait des choses tout à fait particulières chez les insectes, notamment au niveau en fait de leur comportement, de leurs habitudes de vie. Et j'avais le goût de partager avec le grand public évidemment ses connaissances, mais aussi surtout ce goût de faire apprécier les insectes comme partenaires, si vous voulez, à l'équilibre de la planète. Mais c'est un vaste projet parce que les insectes, c'est un très grand nombre. C'est l'ordre, il me semble, c'est l'ordre le plus nombreux, le plus populeux parmi la faune. Oui, c'était déjà une difficulté au départ. Quoi cibler exactement? Ben oui. Puisque les insectes regroupent actuellement au-delà d'un million d'espèces différentes. Chaque espèce a reçu, en fait, un nom scientifique et tout ça. Et il en resterait certainement 3 à 5 millions à découvrir en plus. Alors, vous voyez, c'était en fait peut-être un défi, mais j'y ai retenu en fait des insectes coup de cœur, de façon en fait à rendre au public des données sur des insectes qui leur sont en fait familiers, qu'ils retrouvent à l'occasion et tout ça, mais sans les connaître véritablement. C'est-à-dire, on a envie de savoir, je suis un peu curieuse. Oui, écoutez, si on parle, par exemple, des libellules, les libellules, elles ont un comportement tout à fait particulier de défense de leur territoire et tout ça. Elles ont aussi une morphologie aussi tout à fait particulière où les ailes ne se replient pas sur elles-mêmes, n'ont aucune flexion, ce qui fait que elles ont en fait un vol particulier, qui les a peut-être limités dans leur conquête des continents il y a peut-être 350 millions d'années. Sauf que aujourd'hui, la plupart des insectes ont des ailes qui se replient, qui ont une flexion sur elles-mêmes, ce qui permet à ces insectes d'avoir des vols très, très rapides et de conquérir, en fait, des habitats nouveaux. D'accord. De quel autre coup de cœur? Quels ont été d'autres coups de cœur? J'ai peut-être, en fait, une vingtaine de chapitres sur, par exemple, un chapitre sur la coccinelle, un chapitre sur la cigale. Parce que ça, c'est des insectes, a priori, qu'on aime bien, la libellule. Mais là, par exemple, votre défi aussi, c'est de nous faire aimer ces insectes, des fois, qu'on aime un peu moins. Donc, est-ce que dans vos coups de cœur, vous avez aussi de ces insectes un peu... qui ont beaucoup de préjugés. Et peut-être aussi avec raison, il y a par exemple les puces, les poux, mais ce sont des insectes qui ont des stratégies de vie tout à fait extraordinaires. Et écoutez, pour pouvoir en fait se développer, sur des à l'intérieur du plumage des oiseaux, il faut en fait qu'un pou ait des caractéristiques de structure, de forme et ainsi de suite, des adaptations tout à fait particulières. Il y a évidemment, par contre, vous allez avoir le monarque. Vous avez les abeilles, les fourmis. Mm-hmm. Les fourmis, en fait, peut-être qu'elles nous dérangent beaucoup, mais c'est, en fait, elles représentent à elles seules 10% de toute la matière organique qu'il y a sur la Terre. C'est alors, c'est certain que ces insectes ont des rôles à jouer dans le recyclage de la matière et ainsi de suite, et soutiennent, évidemment, mm-hmm. entre autres, la pollinisation de beaucoup de végétaux aussi. Donc, ça se présente un peu comme ça. Finalement, c'est pour chacun de ces coups de cœur-là, vous nous racontez comment ça se passe, comment ils survivent, oui, comment ils vivent, comment ils se reproduisent. Oui, tout à fait. Je raconte un peu, en fait, leur façon de vivre. Je raconte aussi leur importance dans les arts et traditions populaires. Ah. Par exemple, d'où viennent les noms et ainsi de suite de ces insectes, quels ont été les effets sur la population humaine à travers l'histoire et tout ça. Et mm-hmm. à titre d'exemple, simplement, si on parle de l'abeille, bon, l'abeille est connue depuis au moins 4000 ans. Les Égyptiens, en fait, utilisaient le miel et tout ça. Sauf que la fabrication du miel comme tel, ce n'est qu'au 18e siècle qu'on a découvert que c'était l'abeille qui fabriquait le miel, alors qu'on pensait souvent que les abeilles retiraient sur les végétaux mm-hmm. une substance sucrée qui était tombée là, en fait, carrément sur le feuillage et tout ça. Alors, j'ai apporté beaucoup d'éléments historiques, autant, en fait, pour les fourmis, les abeilles, les coccinelles, aussi, en fait, la cigale, parce que la cigale, on la connaît surtout par la fameuse fable de La Fontaine, oui, la cigale et la fourmi. Et on reconnaissait la cigale comme étant un insecte qui était négligent et tout ça, alors que c'est le contraire, c'est un insecte qui va passer certaines espèces passent de 14 à 17 ans dans le sol mm-hmm. avant de sortir pour chercher un partenaire pour se reproduire. C'est patiente. Et évidemment, les mâles vont émettre des sons. Et ce n'est pas des chanteurs, la cigale ne chante pas, mais va émettre une musique par des structures que le mâle possède sur son corps. Ah. Et chaque cigale, dans le monde, il y a quand même 2500 espèces de cigales différentes. Au Québec, on en a deux espèces, mais chaque espèce a son rythme, sa séquence d'émission de son, de façon à ce que ce soit la femelle de l'espèce en question qui soit sensibilisé par le mâle et qu'il y ait reproduction. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, à ce moment-là, vous avez la perpétuation des espèces à travers le temps. Puis en même temps, donc, vous nous expliquez, comme vous nous le disiez un peu tout à l'heure, comment ces insectes contribuent ou participent à l'équilibre des écosystèmes également? Oui, tout à fait. J'ai voulu, en fait, insérer peut-être l'histoire de mes insectes dans leur propre histoire à travers le temps. On part, en fait, il y a 400 millions d'années où les premiers insectes sont apparus à partir probablement d'animaux marins, des crustacés, et puis ils ont conquis les continents. Mais, écoutez, conquérir les continents à ce moment-là, les végétaux étaient des végétaux qu'on qualifie d'inférieurs là, au niveau de évolutif. Par la suite, vous avez eu les plantes à fleurs qui se sont développées et tout ça, et il y a eu des collaborations établies entre les insectes et les végétaux, et les végétaux sont devenus la plupart. En fait, on dit qu'il y a 80% des végétaux sur la planète qui vivent grâce à la pollinisation qu'effectuent certains insectes chez ces plantes. Mm-hmm. Alors, c'est beaucoup. Alors, imaginez si on détruit les insectes, si on prend pas soin, en fait, si on ne reconnaît pas les rôles des insectes, imaginez, c'est 80% de notre production végétale qui est associée de près ou de loin à des insectes. Alors, c'est énorme. Oui, il vaut mieux pas les écraser, alors, peut-être. Ben, c'est-à-dire que c'est mieux de pas les écraser, ou du moins les voir sous un œil nouveau. C'est certain qu'il y a des insectes qui vont nous déranger, tout ça. C'est tout à fait humain de les déconsidérer comme ça, mais il reste quand même que dans l'ensemble, il y a 99% des espèces d'insectes qui ne causent aucun problème aux humains ou à la santé. Tout ça. Alors, il n'y a seulement qu'un 1% de ces espèces, donc à peu près 1000 à 1500 espèces sur la planète qui peuvent causer problème. Et il y a des problèmes majeurs, si on le sait. On pense à la malaria, on pense à l'oncocercose, oui. qui sont des maladies importantes chez oui. les humains. Mais l'ensemble, ce sont des. Ça, on doit les regarder comme étant des partenaires. Et moi, j'invite les gens surtout à regarder un insecte et, leur, si minime soit-il, il y a, si vous voulez, un cerveau, il y a une chaîne nerveuse, mm-hmm. il y a un système respiratoire, un système, de circulation d'un liquide qui n'est pas le sang comme tel, un système reproducteur, tout ça. Est-ce que vous nous donnez aussi quelques explications anatomiques dans le livre? Oui, au oui. tout début, j'essaie de situer un petit peu le lecteur au niveau de la pour lui expliquer un petit peu comment est constitué l'insecte, mais dans un langage tout à fait oui. accessible. Oui. J'ai pesé mes mots et tout ça, okay. De façon à rendre le livre accessible oui. à tout le monde. Oui, c'est ça que je me demandais. Ça s'adresse à qui, ce livre-là? Tout le monde peut trouver son compte? Oui, tout à fait. Je pense il y a des photographies, évidemment, d'insectes. Oui. Donc, les jeunes, je dirais peut-être même du primaire, fin du primaire, peuvent commencer à regarder certaines choses. Ceux du secondaire, évidemment, peuvent très bien mm-hmm. lire les bouquins. Et le grand public aussi. J'ai voulu, évidemment, utiliser une approche qui était la plus didactique possible parce que mon but dans tout ça, c'est de faire connaître des insectes et aussi de faire apprécier une partie importante de ce qui constitue la biodiversité mmh. mondiale mmh. sur la planète. Et puis en le feuilletant, j'ai l'impression que c'est plus le livre, c'est plus des histoires qui sont racontées. Hein. Oui. C'est pas. Oui, tout à fait. Je suis allé un peu par l'histoire. L'histoire, oui. par exemple, de la coccinelle, l'histoire de la cigale, du monarque. Le monarque, si vous voulez, c'est un grand voyageur. En fait, on le connaît ici, mais il voyage vers la Californie ou vers le Mexique. Alors, vous avez, en fait, des prodiges, si vous voulez, mm-hmm. de comportement qu'on retrouve chez les mm-hmm. insectes. Mm-hmm. Donc, en fait, ce que j'ai l'impression, c'est plus une suite d'histoires sur des oui. insectes que vraiment une présentation froide. Oui, l'insecte a deux ailes, il a six pattes. Oui, exactement. Au départ, c'est certain que si la personne connaît bien l'insecte et tout ça, il peut passer par-dessus le chapitre sur la morphologie, tout ça. Mais encore là, c'est comme une histoire aussi. Oui. Et il y a un chapitre sur lequel j'insiste aussi, c'est le chapitre qui s'intitule, je pense, la plus grande parade animalière de la planète, où tous les insectes se regroupent mm-hmm. pour c'est un rêve, si vous voulez, mais au bout de ce rêve, il y a un message qui est véhiculé, et je tiens beaucoup à ce que les gens s'arrêtent à ce chapitre, puisque c'est un petit peu pour montrer le rôle de chacun de ces insectes, mais d'une façon humoristique, comme mm-hmm. tel. Puis c'est un livre de quel format, qui se présente comment? Oh, c'est un livre qui est, disons que je suis très heureux de mon éditeur Multimonde. Il l'a fait comme étant un bouquin qui est très flexible, qui est une grandeur, en fait, tout à fait. C'est pas un gros bouquin, c'est une grandeur qui se tient très bien dans la main. Et puis, c'est quand même un bouquin d'une à peu près 400 pages, mm-hmm. mais ces 400 pages qui sont très aérées et qui ont aussi des types de chapitres particuliers, comme par exemple pour les perce-oreilles, que les gens, en fait, c'est un insecte qu'on voit souvent, ces fameux perce-oreilles. Ouais. Le titre, si vous voulez, c'est chez les perce-oreilles, on retrouve, en fait, si vous voulez, des aidants naturels, puisque chez ces insectes, les femelles s'occupent de leurs jeunes, les aident, les nourrissent, les aident, si vous voulez, mm-hmm. à les élever et tout ça. Mmh, donc, c'est des approches, en fait, j'ai voulu le plus possible prendre une terminologie qui nous est propre à nous, terminologie là qui est appliquée aux insectes, évidemment, mais auxquels on peut rattacher des facteurs humains. Ça a l'air bien intéressant, tout ça. Et brièvement, pour conclure, avez-vous d'autres projets d'écriture? Parce que sûrement qu'il y a encore de quoi écrire sur ce vaste monde. Oh, oui. Écoutez, j'ai un projet qui est en cours actuellement. C'était un petit peu à la demande de jeunes. Et c'est aussi, en fait, une volonté que j'ai de sensibiliser les jeunes à des carrières dans le domaine, si vous voulez, scientifique. Ouais. Je prends évidemment le domaine de la biologie parce que je la connais beaucoup plus. Mais c'est de montrer à ces jeunes qu'ils peuvent faire des carrières et de servir d'aider la société mm-hmm. à mieux se développer. Donc ça, c'est un, il est en cours actuellement. Et j'en ai un autre sur des anecdotes de voyage. Ça, c'est beaucoup plus drôle et tout mm-hmm. ça. Mais qui sont tirés de missions scientifiques que j'ai fait un peu partout mm-hmm. dans le monde ou de conférences que j'ai données un petit peu aussi dans le monde. Et il y a des anecdotes qui sortent de ces voyages mm-hmm. et qui rendent, si vous voulez, l'histoire agréable et tout ça. Ben, on aura peut-être l'occasion de s'en reparler quand ces livres sortiront, alors. Alors, je travaille à ça actuellement. Ouais. Ben, alors, en tout cas, j'invite tous les auditeurs à se procurer ce livre pour découvrir peut-être autrement les insectes. Donc, merci beaucoup, M. Bourassa, de nous ouvrir les yeux sur ce monde fascinant des insectes. Je rappelle donc que vous êtes professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières et auteur de ce livre, Le monde fascinant des insectes, qui vient de paraître aux éditions Multimonde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Et voilà donc tout un monde à découvrir, mais auparavant, on va faire une pause musicale sur CKRL. Nous partons en musique sur 89,1.